Tu te réveilles un matin, hein? Le sol est un bol quartier d'orange, ton jus d'orange est un étrange mélange de pluie et du temps, de pluie, de haine, les ailes poussent dans ma photo et de déto. Le ciel est gros, ta vase crache le matin. Et ton esprit, tu brilles, tu cries, tu brailles, la faille se taille dans des entrailles. Qu'est-ce qui se passe? On a su attendre comme il a là. On est bleu et vous, orange et froid. Tu vois, il faut manger les lignes sur le dos. Il faut manger les lignes sur le dos. Une croûte de verre sous terre, ce groupe de ciel appareil. Kayla. Pour toi et l'autre pour la mer que tu montes un cordon pur.